sans bout de laisse, des discours sans caresse. Si on s'est enfui des meetings, des jours de fête, on a peur que tout s'achète. On cherche une cause à tout et on veut croire en vous, au bonheur en dessous. Si tout est permis, il y aura besoin de murs pour écrire vos injures. Si on est compris, on peut croire au paradis et finir les soucis. Et on oublie tout, on cherche une cause à tout. On veut croire en vous, au bonheur en dessous. Et on oublie tout, tant que l'amour est en nous. On signe, on paie, on loue, on rêve d'une maison d'un chez nous. On aime et puis c'est tout.